Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqra'na fi al-dars al-awwal al-bayt al-awwal min hadhihi al-manzuma manzumat al-lamiyya li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Faman hafidha falyaqra. Tafadhal. يا سعيدي المذهبي وعقيدتي رزق الهدى من هدايتي من للهدايتي من للهدايتي يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ما لا ينثني لا ينثني عنه ولا يتبدل لا ينثني عنه ما لا ولا يتبدل نعم أحسنت عند من تفضل وعقيدتي يا سائلي عن المذهب وعقيدتي وزقال الهدى من لي بهدايتي يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه نعم في الدرس الأول on avait lu l'explication du premier bait et استفدنا أن الرزق نوعان فما هما الرزق يا دو كاتيجوري تفضل الأولى الرزق العام ما هو لكل خلق الله ما بس ها ينفع كل المخلوقات الكفار والجن والإنس نعم كالهواء والأكل والشرب هذا يستفيد منه جميع المخلوقات رزق مطلق c'est pour tout le monde comme l'air, l'oxygène, la nourriture, la boisson هذا الجميع ils en profitent le deuxième رزق خاص ما هو الذي ينفع المسلمين فقط يعني كالعلم نعم فهو الرزق النافع في الدنيا والآخرة كالعلم وكذلك ما ينفع الأبدان من الرزق الحلال استفدنا كذلك أن ما يكتسبه العبد من الحرام فهذا كذلك يسمى رزق لماذا؟ الله سبحانه وتعالى كخي cette chose لكن c'est du risque حرام فلا يجوز la personne n'a pas le droit d'acquérir ou de rechercher un risque halal avec un moyen haram ou une chose que Allah il a créé لكن cette chose elle est haram كالخمر ولحم الخنزير etc. on avait détaillé et Cheikh l'Islam ils lui ont posé la question كما في مجموع الفتاوى الجزء الثامن est-ce que الخمر والحرام c'est من رزق الله عز وجل ils lui ont posé la question est-ce qu'on peut dire que c'est من رزق الله قال رحمه الله إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه ويراد به ما يتغذى به العبد الرزق كما نسيتي على نوعين عام وخاص فالرزق يطلق على ما أباحه الله عز وجل أي une chose que Allah سبحانه وتعالى il a permis pour ses عباد هذا يطلق عليه رزق مثلا l'eau les nourritures halal tout ça c'est permis pour العباد et on appelle ces choses الرزق كذلك ما يتغدى به أي سكون مانجي كون بوا ميم سي سي با حلال فلهذا قال شيخ الإسلام فالأول كقوله وأنفقوا مما رزقناكم وقوله ومما رزقناهم ينفقون فهذا الرزق هو الحلال يا أوكان دوت سور سولا أن لي شوز حلال سي من رزق الله قال والثاني كقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ثم on résume son kalam قال وإنما المحرم بعض الذي يتغدى به العبد وهو من الرزق نعم لأن cette chose même si elle est haram qui c'est qui l'a créé c'est Allah subhanahu wa ta'ala لكن comme on a déjà cité أنه c'est haram donc il n'a pas le droit d'approcher c'est une épreuve Allah subhanahu wa ta'ala il a créé certaines choses et il nous les a autorisés, il a créé d'autres choses et il les a interdites, et Allah subhanahu wa ta'ala il jugera ses ibad par rapport à ces choses, au halal et au haram. قال شيخ الإسلام إلى كونكلو والرزق الحرام مما قدره الله وكتبته الملائكة. نعم الله سبحانه وتعالى سلوي كخيسة شد إلا قدر كذلك إلا destiny pour un tel et un tel, c'est une épreuve. وهو مما دخل تحت مشيئة الله وخلقه. C'est Allah سبحانه وتعالى qui l'a voulu, مشيئة كونية. Allah il aime pas cette chose, لكن il l'a voulu, il l'a créé. C'est une épreuve pour l'ibad. وقال وهو مع ذلك قد حرمه يا الله إلا تغذي ونهى عنه فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله والله أعلم. ثم الله سبحانه وتعالى يجوجغ العباد أي إسكي سوى كارتي دو سو حرام أم لا. هذه تتم للفائدة كنا بلو من قبل دو نوت شرح ونا بلوي اليوم بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اللامية اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Donc شيخ الإسلام dans ce deuxième vers, après avoir démontré أنه il a écrit cette poésie لأن واحدا il lui a posé la question sur sa عقيدة et son مذهب يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم شيخ الإسلام يكمل sa réponse بقوله اسمع كلام محقق في قوله. أي écoute كلام محقق. والمحقق c'est une personne qui a du علم. Ses paroles elles sont fondées sur الكتاب والسنة. لا ينثني عنه ولا يتبدل. أي il est sûr de lui رحمة الله عليه. Il est sûr de lui et il n'a pas changé ولله الحمد de مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. وفي هذا البيت قال الشارح وفي هذا البيت يمدح شيخ الإسلام رحمه الله ما سيذكره من العلم والبيان في هذه الأبيات ويمدح أيضا نفسه بأنه محقق وبأنه لا ينثني ولا يتبدل عن كلمة الحق. شيخ الإسلام الآن يفعل de lui. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est permis de se faire des éloges? واحد يفعل des éloges à lui-même كما في هذا البيت. لأن كما سيأتي الآن من الشرح il y a des preuves من القرآن من السنة أن الإنسان il a pas le droit de se zaki. لكن on va voir qu'il y a un tafsil. Dans certains cas c'est permis pour montrer le haq. Quand il y a une maslaha c'est permis comme c'est le cas هنا. قال وهذا لا يعارض قوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهي من الله. الله سبحانه وتعالى il nous a interdit de zaki notre nafs. أي de se faire des éloges à nous-mêmes. قال فإنه يجوز للإنسان مدح نفسه إذا كان فيه مصلحة شرعية كما قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تأملوا العلم l'importance dans un sujet de rassembler الأدلة. لأن celui qui prend que le premier verset il comprendra pas pourquoi شيخ الإسلام il parle de lui بهذا القول اسمع كلام محقق. واحد peut se dire pourquoi شيخ الإسلام il se fait des éloges à lui-même dans ce bayt. Si tu connais le deuxième verset et c'est un dalil que c'est permis dans certains cas de se faire des éloges si il y a une maslaha كما فعل يوسف عليه السلام. يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maslaha عظيمه. Il y avait un bien pour Al-Mu'minin à son époque, un bien pour le muslimin. Donc, Yusuf, il a parlé de lui-même. Inni hafidhun Ali. كذلك, قال وكما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر في الدار. قصة عثمان رضي الله تعالى عنه, quand Al-Khawarij قاتلهم الله, ils ont encerclé sa maison et ils l'ont tué. قال عثمان أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها. C'est ça le شاهد. Et ça montre أن pour propager un bien ou pour repousser un mal الإنسان il a le droit de zaki نفسه, de parler de lui en bien pour montrer un حق ou repousser un mal. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الآن il montre أنه سمحقق Pourquoi? Parce qu'il va citer Aqidat Ahl-Sunnah. Et celui qui lui a posé la question, il doit être sûr. Annahu, il va lui répondre bi'ilm. Enfin, c'est pour soulager celui qui lui a posé la question. Annahu, Cheikhul Islam, il sait de quoi il parle. Rahmatullah alayhi. Et nous, on sait, walillahi alhamd, annahu, c'est un imam kabir fi sunnah. وفي العقيدة عثمان رضي الله عنه pour repousser le khawarij il leur a cité هذا أي il leur démontre أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر الروم فله الجنة أي celui qui creuse tel puits à Médine à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم فله الجنة Allah il le fait rentrer في الجنة عثمان رضي الله عنه il leur montre فحفرتها c'est moi qui l'a creusé أي celui qui a financé رضي الله تعالى عنه ثم قال عثمان ألستم تعلمون أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته أي celui qui équipe الجيش أي l'armée des musulmans فله الجنة et c'est عثمان رضي الله عنه qui a financé donc deux cas الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم celui qui fait telle chose il aura le jannah et Uthman il a fait ces choses et Al-An c'est un conseil ils se rappellent et ils savent qui ils sont en train d'encercler et qui ils veulent tuer Uthman radiyallahu anhu sahab al-jalil la yat'an fihi illa munafiq khabith celui qui critique Uthman radiyallahu ta'ala anhu faqala fajahastuh qala fasaddaquh bima qal et ça c'est adib, ils ont reconnu, ils ont su, na'am, annahu, il a fait telle chose, et malgré cela, ils ont continué. Hatta qatalou. Limada li anna al-hawa, wal-fitan al-shar, al-insan, il devient aveugle. Pourtant, ils savaient, ils n'ont pas dit là, tu mens, c'est pas vrai. Là, ils savent très bien, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé al-jannah, et anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a marié deux de ses filles, et comme min maraqib Uthman, qui sont cités dans les livres de hadith, لكن مع هذا والعياذ بالله ils ont fait passer الهوى avant le حق قال أخرجه البخاري معلقا أي sans إسناد ووصله الدار قطني والإمام دار قطني لا cité الإسناد والإسماعيلي كما في الفتح الحديث لا صحيح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه et c'est clair أن dans ce hadith il y a des choses qui montrent أن عثمان c'est un homme pieux, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs mérites, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité concernant Uthman. وَفِيهِ جَوَازْ تَحَدُّثَ الرَّجُلْ بِمَنَاقِبِهِ عِنْدَ الْإِحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ Et c'est ça, al-Shahid. C'est ça qu'on a besoin, nous, dans notre mas'ala. Et il s'est permis de citer certains de tes mérites en cas de besoin. واحد يتاكوز واحد يبغى تفير دو مال تا بوزوان دو فير بارفينير ان خير اي اون مصلحه يجوز لك Maintenant, tu cites que tu as étudié à tel endroit, que tu as appris telle chose, que tu as enseigné telle chose. Il y a juste dans certains cas. قال لدفع مضرة أو تحصيل منفعة. Pour repousser un mal, كما فعل عثمان, ou pour propager un bien, comme il a fait Cheikhul Islam. رحمه الله. وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب انتهى من الفتح. فتح الباري, l'explication de صحيح البخاري. أما celui qui veut se montrer, عياذا بالله. Et celui qui fait souvent cette chose, alors qu'il n'y a aucune maslaha, il n'y a aucun profit, il n'y a aucun besoin, c'est haram. قال عز وجل, فلا تزكوا أنفسكم. L'insan, il doit être modeste. أولاً, même si tu as fait certaines choses, ou tu as appris certaines choses, ou tu as vécu certaines choses, لا تنسى أن tout ça, c'est بفضل الله عز وجل. فالإنسان دائما, il cite Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, بفضل الله عز وجل. Il s'est passé telle chose. Amma, celui qui veut se mettre en avant et se montrer ou rabaisser ses frères, fahada c'est haram, bila shak wa la ishkal. Qala, Cheikh Mohammed, hafidahullah, wa mitlu ma taqaddam qawli ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, kama fi s-sahihayn, walladhi la ilaha ghayruh, ma min kitabillah, suratun illa ana a'lamu haythu nazalat, wa ma min aya illa ana a'lamu fima unzilat, ولا أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ابن مسعود رضي الله عنه يسيت أنه يسافر رحمة الله عليه chaque verset pourquoi il est descendu et il connaissait l'explication de chaque verset c'était من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن حتى ابن عباس رضي الله عنه البحر الحبر استفاد من ابن مسعود كثيرا. قال الإمام النووي, الإمام النووي va expliquer la parole d'Ibn Mas'ud رحمه الله. وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة, وأما النهي عن تزكية النفس كما في الآية من سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم, وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة. Donc la parole de Uthman رضي الله عنه et celle d'Ibn Mas'ud, ça démontre أن الصحابة رضي الله عنه dans certains cas ils citaient certaines choses qu'ils ont fait de bien. Donc s'il y a une hajja, il y a un besoin, il y a un profit ou pour repousser un mal, c'est permis. قال لغير قال فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب. أي c'est interdit pour celui qui parle de lui alors qu'il n'y a aucun besoin. Et son but c'est الفخر والإعجاب. أنه il est orgueilleux, il veut se montrer, عياذا بالله. قال الإمام النووي وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك, فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام. الحافظ ابن حجر إلا سيتي أو الشارح إلا سيتي قبله, قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Donc ça c'est pour encourager, pour un profit, pour propager le khayr. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه تقدم, أي عثمان il a cité des choses qu'il a faites رضي الله عنه. لماذا؟ pour repousser un mal. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا كذلك, pour propager le khayr قول ابن مسعود. وقول سهل بن سعد un autre compagnon رضي الله عنه ما بقي أحد أعلم بذلك مني, وقول غيره على الخبير سقطت انتهى من شرح مسلم بتصرف يسير. Donc cette mas'ala elle est claire. C'est permis de citer des choses que l'insan il a faites, min khayr, et le but c'est pas de rabaisser les autres, ou de se montrer, ou vouloir être en avant, l'orgueil, iyadam billah, là. C'est pour propager un bien, ou pour repousser un mal. Fi hada al-hal, fayajouz. Lakin insan la yukthir min hada. Et il cite par rapport aux besoins. Tout ça pour expliquer la parole de Cheikh l'Islam. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الآن on sait que c'est permis dans certains cas. وقوله ولا ينثني عنه ولا يتبدل هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومنهجهم لأنهم يبنون ذلك على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. هذا في الحقيقة بتوفيق الله. أن الإنسان يشانش با de manhaj, عياذا بالله. أن الإنسان il se contredit pas. أن الإنسان il apprend son دين et il avance. أما وعد الناس عياذا بالله aujourd'hui il est à la sunna et demain il est à la غير السنة. Et il change. Pourquoi? La principale cause كما سيأتي c'est مخالطة أهل البدع والأهواء, المجادلة, الخصومة, polémiquer, se mélanger, ça cause des doutes. ثم هذا الإنسان il arrive plus à s'accrocher et à avancer là على الصراط المستقيم. Il change. قال بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يتقلبون من حال إلى حال لا يثبتون على مقال. Tu trouves بعضهم ils avaient un تمييع عجيب, تساهل. Par exemple من الإخوان المسلمين الضلال, tu les trouves أنهم c'est des munharifoun dans leur dîn. Tellement qu'ils se mélangent à Ahl al-Shar, un jour tu le trouves à la hal et le lendemain à la hal. Ba'duhum, comme on dit, ils avaient un tasahul ajib, ils ont fini avec les khawarij. Shidda wa ghulu et takfir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur dîn. Pourquoi? Parce qu'ils se mélangent à des personnes qui sont mal intentionnées. Pourquoi? لأنهم ils ne reviennent pas à Ahl al-Ilm, aux savants de l'islam. Pourquoi? لأنهم ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas donné du temps à ce ilm. قال لأنهم يبنون معتقداتهم على الهوى وعلى ما تشتهيه أنفسهم وتهواه قلوبهم. C'est par rapport à l'époque. Tu trouves بعض أهل الأهواء أنهم quand ils sont في بلاد ils ont un مذهب منهج. Quand ils sont dans un endroit, ils vont dans un autre endroit, ils changent. Pourquoi? لأنه ils s'adaptent. Ils s'adaptent où qu'il est. Et notre dîn, il est واحد. Ta'aqida, que tu sois en France, que tu sois ici au Maroc, que tu sois